Écoute ton corps, ne lui fais pas de mal, ce soir il dort, ce soir il se repose. Écoute ton corps, ne lui fais pas de tort quand tout est calme, parfois on se repose. Y'a rien à combler pour aujourd'hui. Mes amis sont bien là, mes parents bien en vie. Y'a rien à défaire, rien à détruire. Pourtant je sens le vide. Je plonge, le monde tourne. Pas égoïste tant que t'es pas mort, c'est la vie qui résiste. Donne-lui du corps, faut bien qu'il se relève et fait l'effort. Bouscule ta vie et sors. Y'a rien à combler pour aujourd'hui. Mes amis sont bien là, mes parents bien en vie. Y'a rien à défaire, y'en a même qui m'envient. Pourtant je sens